pour déplacer ta remorque ou ta roulotte, pour un voyage de pêche ou pour amener tes enfants à leur partie de soccer. Et comme tu travailles fort, ça te prend un camion pour te surpasser. Le Ford F-150 est pour toi. Tous les autres camions voudraient lui ressembler, mais il n'y a qu'un seul Ford F-150. Passe le voir chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien et profite de la super promotion du prix employé Ford. Tu obtiendras les meilleurs rabais sur tous les véhicules Ford et sur ton F-150. On t'attend chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien. On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. Écoute, pas mal d'actualité dans le monde de la boxe. Il y a eu deux décès dans le monde de la boxe. Et par la suite, il y a eu également Oscar Rivas hier, la grande surprise, son adversaire qui a été testé positif. On en parle avec Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, on va commencer d'abord par l'histoire qui est en début de semaine de Maxime Dazaïev qui est décédé. Je viens de voir le combat actuellement sur YouTube et c'est pas si évident que ça que le gars allait mourir. J'ai déjà vu des combats pas mal plus dangereux que certains boxeurs, surtout les combats d'Arturo Gatti. Là. Mais par contre, ça prend juste un coup de poing pour des dégâts, hein? Ouais, mais c'est traite un peu la boxe. Hein. On ne sait pas comment ça va virer. C'est un sport de combat. Faut mettre l'adversaire dans le cadre. Donc là, le rythme du combat avait commencé à changer là au 9e, 10e, 11e. Et Buddy McGirt, là, on voyait, faisait des efforts pour faire comprendre à son boxeur que c'était peut-être une bonne chose d'arrêter. Il voyait que son boxeur avait énormément ralenti. Il a donné une dernière chance, mais finalement, il n'aurait pas fallu qu'il la donne, parce que c'est sûr que le boxeur, il veut jamais s'en aller. Généralement, c'est pas le boxeur. Il se pense, il a de la difficulté à s'évaluer. Et puis, son adversaire, il avait la coche. Et c'était deux boxeurs invaincus, hein. Les deux n'ont pas d'histoire, aucune défaite. Nadashev a déjà gagné une médaille d'argent au championnat du monde junior. Il avait perdu en finale contre Oscar Valdez, qui est actuellement champion du monde dans les petites divisions de poids. Et puis, c'est un gars qui a fait une carrière en Russie. Il avait représenté son pays. Et là, il était déménagé aux États-Unis pour faire carrière chez les pros. Là, il avait 13 victoires en 13 combats, dont 11 victoires par knockout. Et son adversaire, lui, il avait 13-0, 13 knockouts. Mais c'est un portoricain, un dur de dur, mais sur papier, Dadashev était le favori. D'ailleurs, à son dernier combat, il avait passé dans la carte Sismondo. Ricky Sismondo, qu'on a vu au Québec à plusieurs reprises. Ce gars-là a boxé, a battu Madouma, a fait combat nul avec dirigeant, a perdu contre Ulysse, a perdu contre Akhmedov. C'était un test pour les boxeurs québécois, mais lui, il l'avait passé dans la carte au quatrième rang. Donc, ça donne tout de suite une idée du calibre de Dadashev. Mais là, malheureusement, c'était pas sa soirée, puis l'accumulation des coups a fait en sorte que le problème ressemblait beaucoup à ce que Adonis Stevenson a vécu. Sauf qu'Adonis Stevenson, faut croire qu'il a été pris à temps puis ils ont réussi à le sauver. C'est qu'il n'y a pas été le cas de Dadashev. Souvent, je regarde les combats, je regarde Dadashev, je viens de regarder quelque chose, je l'ai pas vu encore. Le coup est revenu après. Ça prend quelques secondes avant de causer des dégâts. Est-ce que je me trompe là-dessus? Stevenson, il était dans le vestiaire. Et là, Dadashev, c'est après. C'est le caillot au cerveau, hein? Ouais. Moi, je suis pas un expert en médecine, mais tu sais, un caillot au cerveau, puis là, ça a tendance à gonfler. Et c'est là que là, à un moment donné, ça se bouscule dans la tête de l'athlète quand il arrive dans le vestiaire, mais souvent c'est là que là, il commence à plus être là parce qu'il y a l'enflure. L'enflure au cerveau, et là, ça presse, là. Ça presse absolument là, de faire un trou à quelque part pour laisser justement, pour pas laisser cet enflure-là causer plus de dommages. Et c'est vraiment malheureux, surtout que là, on arrive avec l'Argentin, Santillane, qui arrive la même chose, combat nul, bon combat très serré. Et là, il arrive la décision, puis là, on voit qu'il se sent pas bien. Et puis finalement, bang, là, c'est lui aussi. Fait que deux dans la même semaine, là, on n'a vraiment pas besoin de ça, le sport de la boxe. C'est un sport qui est contesté régulièrement, donc ça donne l'occasion aux gens de chialer, avec raison aussi. Si on parle toujours de sécurité, qu'est-ce qui a amélioré les examens médicaux, mais tu sais, on va pas sauver tout le monde, là, c'est un sport de combat. Ça se bat partout sur la planète. Il y a plus de 200 pays qui ont la force professionnelle. Donc, faut pas que tu t'attendes à ce que tout le monde sorte de là en santé, là. À boxe olympique, ça arrive plus rarement compte tenu que là, c'est seulement les trois rounds, puis il y a une sécurité tellement grande alentour de tout ça. Mais quand on arrive à la boxe professionnelle, puis on s'amasse avec les 8, les 10, les 12 rounds, et l'accumulation des coups, les gars un peu plus petits, finalement, il arrive des situations comme ça, où là, c'est une semaine de deuil pour toute la communauté de la boxe mondiale. Penses-tu qu'il va y avoir des suites à ça? Moi, je me rappelle quand Ayrton Senna est mort, il y a eu des suites à la course automobile. Steven Adonis, c'est un champion du monde, ça a passé très près. Il était même mort, il était cliniquement mort. Il n'y a pas eu vraiment de suite. On n'a pas entendu parler de suite des choses. Là, Dadajev, écoute, j'ai vu, c'était quand même un bon prospect. Là. Son entraîneur, c'est un entraîneur. Son gérant, c'est le gérant d'à peu près de tous les Russes qui sont performants. Les Lomachenko, celui qui a battu le tennis aussi. Golovkin. Écoute, c'est pas juste les Russes. Tous les pays d'Europe de l'Est, le boxeur du Kazakhstan, les Ukrainiens. Primas, un génie Primas. Ouais. Et là, c'est dans son coin. On parle d'un entraîneur d'expérience, Buddy McGirt, l'ancien champion du monde, qui était l'entraîneur d'Arturo Gatti. Donc, tu sais, c'est quelqu'un qui l'a vu, là. Il a vu aller ça, là, pendant, passer sa vie dans les gymnases avec des boxeurs. Mais, tu sais, c'est tellement, la ligne est tellement mince, là, entre le fait de savoir exactement. Puis c'est la même chose, là, tu sais. Après ça, c'est sûr que McGirt, il dort mal, là. Il dit maudit merde. Ceux qui se couchent le soir, puis ils disent, moi, j'aurais dû l'arrêter au 9e, puis qu'est-ce que j'ai fait là, puis il doit se sacrer des plaques en arrière de la tête. Pis c'est la même affaire pour l'arbitre. T'sais, l'arbitre peut avoir dit, il va sûrement dire, moi, pourquoi j'ai pas sauté dans le paquet? Mais tu sais, c'est deux boxeurs à 13-0, tu sais, pas un seul coup de poing, mon ami. Tu penses pas nécessairement à ça non plus. Fait que là, t'es là, mais là, après, t'as plus de vie, là, tu vis malheureux, là. Tu en as qu'à penser, Mike Griffin, que comment que ça y a fait de quoi, là. Il s'est dépêché d'en embarquer sur le ring tout de suite après, là, les semaines qui ont suivi pour pas rester marqué par ça dans l'histoire d'Adonis Stevenson. Tu sais, tout le monde se remet en question, là, dire crème, j'aurais pas intervenu. Le médecin, sûrement, sur le bord du ring, doit dire la même affaire. C'est un sport à risque. On est dans un sport à risque. Comme tu l'as dit, le sport d'automobile, ben, à un moment donné, ça se peut que tu frappes un mur, là. Ça se peut que tu arrives un gros malheur parce que c'est un sport risqué. La boxe, c'est la même chose. C'est sûr que nous autres, quand on dit « Ah, ben, moi, deux morts cette semaine, c'est effrayant. » Mais comme j'ai dit, ça boxe partout sur la planète à tous les soirs. Fait que là, si tu mets ça dans une proportion, comment il y en a qui meurent, il n'y en a pas beaucoup, là. Non, si tu mets ça sûr. Dans une proportion de qu'est-ce qui se passe. Mais ben, pour ceux qui chialent contre ça, ben là, tu leur donnes à manger, puis là, ils vont se payer à la tête pendant beaucoup de temps. Ouais. À ça, si tu me dis, il va y avoir des changements, j'en doute. Là, je vois pas quel changement. Ben... La sécurité est de plus en plus serrée. Regarde-moi, je le sais, je m'en occupe. On est pour des examens médicaux, puis de les médecins, deux médecins sur le bord du ring, puis tout ce qu'il y a à faire au point de vue médical est fait. Mais même là, même en faisant ça, on peut pas encore là y parler n'importe quoi. Là. Non, c'est sûr. Mais dans le temps que c'était à 15 rounds, les combats, est-ce que c'était pire encore? Ouais. Quand ils ont décidé 15 rounds, là, il y a l'Association des médecins mondiales, là, qui ont fait un gros lobbying pour dire, voyons, 15 rounds, ça n'a pas d'allure. Parce que souvent, c'est l'épuisement du boxeur qui fait que le boxeur, il n'est plus capable de réagir, correctement. Et puis, il se fait saouler de coups. Moi, je me rappelle, je suis un jeune amateur de boxe, puis j'avais vu Ralph Lassen se faire saouler de coups contre Gaëtan Hart, là. Et puis, on a passé proche, je le parle, là, le gars reste avec un handicap mineur, mais quand même, il est parti sur une civière, mon voisin bien qu'il était pour mourir, puis après, c'était Cleveland-Denis, au stade olympique, j'étais là, puis paf, ça fait sur les coups, Gaëtan Hart, c'était pas le cogneur, il cognait pas Gaëtan Hart, mais il y en a ensemble aussi, les coups, par exemple. Ouais. Fait que si t'étais plus capable de suivre, là, tu bombardais. Ouais. Tu sais, c'est... Donc, les gens sont passés de 15 à 12, là, au-dessus d'Adachev, c'est arrivé... T'es arrivé au 11e, à la fin du 11e, là, tu te dis, faut-tu aller à 10, faut-tu aller à 8? Quand est-ce qu'on va arrêter? On va se faire comme la boxe olympique, hein, faire des trois rangs. Tu sais, si tu te rappelles à l'époque, mais tu te rappelles, tu l'as entendu parler, mais dans les années 1700, 1800, tu veux dire, les gars faisaient des 122 rangs, c'était le dernier qui lâchait, c'était comme jouer à main chaude, là. Tu sais, il n'y avait plus de fin, il n'y avait pas de limite. Bon, à un moment donné, il y a eu des règlements, ils ont resserré ça. Là, jusqu'à où on va resserrer, ça, je sais pas, mais, tu sais, évidemment que c'est un sport spectacle, t'es obligé de donner, les gens payent cher pour aller voir un spectacle. Donc, c'est sûr que tu peux pas comparer, tu peux pas faire la boxe olympique avec la boxe professionnelle. Ouais. Bernard, je veux te parler maintenant d'Oscar Rivas. À la grande surprise, hier, on a su que son adversaire, Dylan Thomas, a échoué un test antidopage. La première question que j'ai envie de te poser, est-ce que automatiquement il peut avoir des représentations à faire pour que Rivas gagne le combat? Ben, gagner le combat, non. Moi, non? Je pense pas, là, de par le règlement, il pourrait devenir un no contest. On appelle ça un combat pas eu lieu, finalement. Et puis, lui, ben là, c'est certain que si c'est confirmé, parce que là, ils attendent l'échantillon B, mais généralement, l'échantillon B, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il confirme l'échantillon A. Ouais. Si c'est le cas, mais c'est certain que lui, là, il va être surtout persona non grata avec la WBC, compte tenu qu'il a déjà eu un récidiviste en 2012, il avait déjà été pogné pour ça. Donc, c'est certain que lui, il va libérer la première position au titre de Deontay Wilder. Puis ils vont probablement, là, j'extrapole, mais compte tenu de la performance d'Oscar Rivas, qui a été exceptionnelle dans son combat, ils vont sûrement prendre Rivas, puis prendre le deuxième ou le troisième, puis faire un combat pour aller s'installer à la position que White avait, là. Donc, ça serait la logique, voudrait que ça soit ça. Là, c'est à espérer, ben, c'est à espérer. On va attendre les résultats, là. On parle pour parler, là. On n'est pas sûr de rien, mais c'est certain que pour Rivas, ça va changer sa vie, parce que, sa défaite, premièrement, serait annulée. Deuxièmement, de se battre dans un combat majeur, c'est un peu au même titre que le combat qu'il vient de faire, combat le plus payant de sa carrière. Il revivrait ça. Puis, il y aurait encore une possibilité de mettre la main sur la première position mondiale au titre de Deontay Wilder, qui fait en sorte que si tu te places là, tu deviens automatiquement millionnaire. Ah, effectivement. Terminant, Manny Pacquiao. Tu m'avais dit ce passé que tu pensais que Thurman allait gagner. C'est un phénomène, Pacquiao, on peut le dire. Là, il n'est pas tuable. Il n'est pas tuable. Il n'est pas tuable, Danny. Il commence le combat, envoie Thurman sur le dos. Si ça t'attends pas à ça, c'est moi, comme j'ai dit un jour, il va se lever, il va être vieux. Mais cette tabarnouche-là, il n'est pas tuable, il a 40 ans, puis il est encore très vigoureux. Puis il se fait respecter, une bonne force de frappe, bonne rapidité, pourtant il est supposé d'avoir ralenti. Fait que j'ai été surpris de ça. Là. Je m'attendais à Thurman avec la puissance voulue pour lui faire mal puis le tenir à distance. Puis finalement, ça n'a pas été le cas. Fait que, on a affaire à une légende de la boxe. On est chanceux, on va l'avoir vu boxer. Hey, ce gars-là, là, a commencé sa carrière professionnelle à 105 livres. Là, il est champion de 8 divisions de poids, puis regarde, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Là. Mais c'est encourageant pour les boxeurs de voir que tu peux encore performer, surtout chez les mi-moyens à 40 ans, parce que généralement, à 40 ans, dans cette division de poids-là, tu es vu. Bien vu. Effectivement. Bernard, je te souhaite un bon voyage. Je pense que tu vas au Panaméricain au Pérou. Tu vas aller recruter des boxeurs, puis on s'en parle bientôt. Ben, ça me fait plaisir. Bonne fin d'émission. Notre collaborateur, Bernard.